Chapitre 3 Développement de Montréal. Fondée en 1642, la cité de Montréal s'accrut lentement dans ses commencements, mais ensuite l'accroissement fut rapide. Après 20 ans, elle ne comptait que 500 âmes, mais 10 ans après, il n'y en avait plus de 1500. Ce qui était surtout à considérer dans ses commencements, c'était le zèle pour l'amélioration des pauvres sauvages et l'énergie des pieux colons. Le zèle pour la conversion des infidèles était extraordinaire, et le courage pour braver les épreuves et les dangers au-dessus de toute expression. On voyait bien, dit le père Leclerc, que ces gens-là avaient quitté leur patrie pour le mouvement d'un zèle apostolique, et rien ne pouvait les faire changer de sentiment, ni l'ingratitude, ni la perfidie des sauvages, ni leur défaut de bonne foi, ni leur cruauté inhumaine, rien ne pouvait éteindre le feu de la charité. Tout était réglé dans la nouvelle ville comme dans une communauté militaire. À une heure fixée, après la prière et la sainte messe, qui avaient lieu à 4 heures du matin, la population se rendait au travail dans les champs. Chacun avait près de soi son fusil caché dans un sillon. Il ne se passait pas de jour sans attaque. Ceux qui se laissaient surprendre étaient voués à des supplices atroces. On admirait leur courage, on plaignait leur souffrance, mais on ne renonçait pas à prier pour les bourreaux. Enfin, dès qu'une occasion favorable se présentait, on cherchait à gagner ces pauvres aveuglés. À force d'efforts et de patience, les âmes finissaient par se laisser éclairer. Les cœurs étaient touchés, le mal vaincu par le bien. Ces premiers temps ont été admirables. La ville offrait comme une image de la primitive Église. Ces braves gens étaient voués à la piété la plus fervente et à la charité la plus dévouée. Il n'y avait jamais de contestation entre eux. Il n'y avait qu'un cœur et qu'une âme, et tandis qu'ils étaient si unis à Dieu, si bons entre eux, ils restaient inébranlables dans le danger. Chaque citoyen se regardait comme une victime offerte à la mort pour la glorification de l'Évangile. Dans les annales de la sœur Morin, écrites vers ce temps, nous avons les détails les plus touchants sur la vie à Montréal, avant l'arrivée des troupes. La piété, la charité des colons, les privations qu'ils avaient à subir, enfin les cruautés extrêmes qu'ils étaient exposés à éprouver, étant entourés d'ennemis féroces, nombreux et implacables. Bientôt, différentes circonstances favorisèrent les saintes dispositions et le zèle des colons pour la conversion des infidèles. Plusieurs nations étaient en guerre. L'une d'elles, celle des Iroquois, puissante et implacable, faisait une guerre d'extermination contre ses ennemis. Leurs victimes venaient implorer la protection des Français. Elles furent accueillies et placées dans des positions retranchées. On compta bientôt plusieurs colonies chrétiennes, à la montagne, à la prairie, au Sault Saint-Louis, au lac Saint-François, au lac des Deux-Montagnes et enfin à la petite nation sur l'Ottawa, à 20 lieues de Montréal. Ces nouveaux chrétiens, disciplinés par les Français, devinrent eux-mêmes comme des apôtres. On en fit des catéchistes zélés et habiles. Ils rendaient de grands services au sein des autres tribus. Les Français excitaient l'admiration de leurs plus cruels ennemis par leur douceur, leur sollicitude et leur libéralité inépuisable. Ils établissaient ceux qui se donnaient à eux, leur apprenaient à cultiver, leur livraient des terres, représentaient l'excellence de la vie réglée et civilisée à ces pauvres barbares, et se montraient aussi bien différents des gens de Boston, qui ne s'étaient jamais occupés des nations qui les entouraient, que pour les détruire et se mettre à leur place. Au milieu de leur noble mission, les Français acquéraient une habileté merveilleuse pour occuper le pays. Formés par Monsieur de Maisonneuve et par le chef de la milice Charles Lemoine, ils étaient devenus des combattants consommés, des explorateurs infatigables. Ils avaient pris les bonnes qualités des sauvages et y ajoutaient l'esprit de discipline et de tactique des milices françaises. On a dit que les Français n'avaient pas le génie de la colonisation comme leurs voisins. Mais, suivant M. Parkman lui-même, cela n'est point exact. M. Parkman pense que les colons français égalaient les Anglais sous bien des rapports. Les Français n'avaient pas les vues odieuses des colons de la Nouvelle-Angleterre. Ils n'auraient jamais voulu adopter, comme eux, un plan d'extermination contre ces pauvres gens. Ce qui est affirmé, même par les écrivains anglais, c'est que sous le rapport des qualités morales et des qualités intellectuelles, les colonies anglaises étaient vraiment inférieures à la colonie française, tandis que sous le rapport de l'activité, de l'intelligence et de la bonne organisation, la colonie française égalait toutes les colonies anglaises réunies. Le système français avait un grand avantage. Il favorisait l'élément guerrier. La population était formée entièrement de soldats et de miliciens. L'occupation principale était un continuel apprentissage de la guerre dans les bois. La haute classe regardait la guerre comme la seule occupation digne d'elle, et elle estimait l'honneur plus que la vie. Pour ce qui est de l'habitant, les bois, les lacs, les cours d'eau étaient ses lieux d'étude, et là il était maître consommé. Forestier habile, hardi canotier, toujours prêt pour les entreprises périlleuses, dans les guerres d'escarmouche et d'embuscade au milieu des bois, il y en avait peu qui pussent lui être comparés. En Canada comme en Europe à ce moment, la race française a appris à se connaître. Elle s'est trouvée des forces que les autres siècles ne savaient pas. Voilà ce qu'a produit l'amour de la discipline et le zèle de la religion. Les Français n'aspiraient pas à des conquêtes, mais ils voulaient sauver des âmes. Et pour arriver à ce but, ils avaient autant de persévérance et d'énergie que leurs voisins en avaient pour les avantages matériels. Au milieu de terribles épreuves, la colonie s'établissait avec une réunion des hommes les plus capables. Monsieur de Maisonneuve, le gouverneur, son lieutenant Lambert Clos, Monsieur d'Ailleboust, un officier de haut grade, son neveu, Monsieur de Musseau, Monsieur Lemoine, lieutenant, Monsieur Lebert de Senneville, Monsieur Dessel de Sailly, Monsieur de Montigny, Monsieur de Repentigny et Monsieur de Brassac. De plus, les hommes de la milice, si dignes d'admiration et dont les descendants remplissent maintenant le pays. On trouve encore actuellement au Canada et dans les environs de Montréal des descendants de ces premiers colons, dont les noms sont portés par des milliers d'individus. Prudhomme, Descaries, Urtubise, Lortie, Baudry, Dumoulin, Renault, Laviolette, Desautels, Boudreau, Lavigne, Trudeau, Cadieux, Deschamps, Barbier, Meunier, Dagenais, Leblanc, Jaudoin, Toussaint, Baudry, Laplante, Beauvais, Roland, Lenoir, etc. Le noble cœur assistait ses bras héroïques. Mademoiselle Mance, de l'Hôtel-Dieu et ses compagnes, la sœur Bourgeois et ses institutrices, Madame Lemoine, que l'on a appelée la mère des Maccabées, Madame Lebert, qui devait voir une sainte à miracle en l'une de ses enfants, Madame d'Ailleboust et sa sœur Mademoiselle de Boulogne, qui aspirait dans le monde à la vie religieuse. La ville était sous la direction de prêtres éminents, Monsieur Gabriel de Quélus, le directeur de la cure de Saint-Sulpice de Paris, était venu s'établir à Montréal, et aussi Monsieur l'abbé François d'Ollier de Casson, ancien colonel et aide de camp du maréchal de Turenne, Monsieur Durfay, ancien curé de la cathédrale du Puy, allié du ministre Colbert et petit-neveu du célèbre Monsieur Durfay, Monsieur de Fénelon, frère de l'illustre archevêque de Cambrai, Monsieur Soir, un des plus grands prédicateurs de Paris, Monsieur de Belmont, l'un des prêtres les plus riches de France, chargé des missions sauvages, Monsieur Barthélémy, qui explora le lac Ontario. Ces messieurs étaient en communication continuelle avec les associés de l'œuvre résidant à Paris, tels que Monsieur le baron Pierre de Fancamp, Monsieur de Liancourt, Monsieur de Renty, Monsieur de Bretonvilliers, Monsieur Le Gaufre, Monsieur Dubois, Madame de Bullion, si généreuse, qui contribuait avec les autres associés pour des sommes si abondantes. Monsieur Ollier, avec la compagnie des associés des œuvres, avait donné plus de 300 000 livres. Monsieur de Bretonvilliers, successeur de Monsieur Ollier, 400 000 livres. Monsieur Dubois et Monsieur de Kelwas, Monsieur de Fénelon, Monsieur Durfay donnèrent leur fortune qui était considérable. Monsieur de Belmont, 300 000 livres en une seule fois. On a calculé dans le temps que les associés et prêtres du séminaire avaient fourni pour l'œuvre de Montréal, de leur propre denier, en 30 ans la somme de 1 800 000 livres, ou environ 7 millions de la monnaie actuelle. Ce qui donna bientôt de la vie à la colonie, et qui assura sa tranquillité, ce fut l'arrivée des troupes, demandées depuis longtemps, et de plus la détermination que prirent un grand nombre de soldats et d'officiers de s'établir dans des terres concédées suivant le système féodal, afin de mettre la ville à l'abri de toute incursion des sauvages, comme nous le verrons plus tard. les officiers et les soldats se distinguèrent autant que les premiers colons par leur esprit de foi et leur dévouement à l'œuvre entreprise.